Giornata di sole, in quasi fine inverno del 72, incontro Vittorio per la seconda volta in questa settimana. Sembriamo venire da mondi diversi, eppure sento che c'è qualcosa di forte, qualcosa di strano, un uomo che ha un suo magnetismo, mi piace. E mi dice, vedi, questa parte è ritmica, dopo deve cambiare mondo, deve cambiare sensazione, ambiente, deve riposare, deve volare riposando, deve diventare questo. Seduto il vento peso al cielo. Ti resta un pugnale e tu no, non scaglierai mai più la tua lancia per ferire l'orizzonte, per spingerti al di là, per scoprire ciò che so, e Dio sa. Oh, oh, ma vive, resterà soltanto il dolore, il pianto che tu hai regalato, per spingerti al di là, per scoprire ciò che so, e Dio sa. Bonsoir, bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. On a démarré au quart de tour avec un double live de Banco post-mortem, je dirais, puisque le chanteur, vous le savez, nous a quittés. Un idea che non può firmare. Je suis pas très très bon en italien. Donc un double album de 2014. Un idea che non può firmare. On continue en 2014 avec le dernier album en date d'Opeth qui s'intitule Pale Communion. Il est là, je l'ai devant mes yeux, vous allez pouvoir l'écouter en avant-première. Je veux parler de l'album de Silver Hunter. Mes amis auront deviné le pourquoi de ce que je viens de dire. Man Moon Lighters vient de sortir, il est arrivé jeudi dans ma boîte aux lettres. Et je vous propose Aquitaine, le tout premier morceau, Silver Hunter. Petit problème technique, on continue avec M-Obus. Direct. M Opus. J'ai une petite histoire au sujet de ce groupe M, plus loin Opus. Premier album intitulé, je le prononce à la française, 1975 Triptyque. La petite anecdote est la suivante. Il y a à peu près un mois et demi, sur un forum de prog, je lance une petite question. Mais qu'est-ce qui se passe en Irlande? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de groupe, qu'il n'y a pas de scène, qu'il n'y a pas de fans, puisque du côté d'Acid Dragon, j'ai aucun abonné. Et quelqu'un me répond, mais il y a M Opus, c'est du symphonique, c'est de haute volée. Dont acte, je fais un petit mail au groupe et voilà, l'album est arrivé et vous avez pu le découvrir avec moi et c'est de très haute volée. Voilà, ils seront chroniqués dans le prochain Acid Dragon. Auparavant, vous avez pu donc, comme je le disais, Opeth Pale Communion, donc des Suédois, un retour superbe de 2014. Et juste avant, alors là, c'est la perle pour moi de la soirée, Banco, un double live post-mortem avec donc un superbe concert avec Francisco Di Giacomo. On revient parce qu'il y a eu une panne technique avec un groupe qui m'est cher, n'est-ce pas, Chris? Silver Hunter Mad Moonlighters. J'espère que cette fois-ci, eh bien, cela sautera pas. En tout cas, ça vous sautera aux oreilles, mais c'est tout. Tout de suite, Silver Hunter. Alienor, queen of the Atlantic shore, now married to Henry, she rules no more. Once united, something was ignited, now separated by this cruel war. When will I see your fair shores again? 'Cause soon I've got to go. 'Cause I'm a Huguenot. Eleanor married an English king. Soon we lost the kingdom of the Angevin. Kingdom that stretch across two lands, an empire that turned to sand. Aquitaine, in the midst of time, I can see the time of my birth. Aquitaine, one day I'll return. Equitaine. cause soon I've got to go. Cause I'm a betrayed by your own sons. Now in prison, you cry in Chino. Far from your wild Garonne and the proud Dordogne castle, the towers of war. Queen Aliénor, Queen of Kings, Queen of Hearts, Queen of Troubadours, Queen of Wisdom. I miss your heydays of art and freedom. Your son Richard is no more. Aquitaine, in the mist of time, I can see the time of my birth. One day I'll return and find long lost mirth. Aquitaine. Underneath a pine, there's a path to hell. At the far end of the garden, by the disused stone well. And once upon a morning at summer's end, I ventured there a curious child, never innocent again. A sorcerer's enticed me, lust drove me on, but far too weak the will to turn from that path once set upon. Loathing and desire never felt before. I'm terrified and nauseous to the bone, still wanting more. Now all that is past, but so

Bon, on a eu un deuxième problème technique et donc vous venez d'entendre Shamble Math, S-H-A-M-B-L-E, comme les Shamble à York, et Math, comme les maths, en un seul mot. Voilà, premier album de ce groupe norvégien. Et on reprend, du moins je l'espère, le fil de l'émission avec donc, comme je voulais vous l'indiquer, Tony Patterson. Tony Patterson qui revient avec un album superbe, Equations of Meaning. Equations of Meaning. Le bonhomme est britannique et c'est vraiment très très beau. Allez, on va écouter tout ça en espérant que ça saute pas. Luckily, he finds a friend. babies are growing in numbers. The underdog's pups yelping for mothers, and all dying fast from the pack that surrounds them. They're chewing the tails from between their own legs. They're chewing the frames that hold up their houses, digging for bones that were buried by others, and all getting lost on the way. This is the fall. on the cinema, not a bumper car to numb her. Time melts in the honey sun, but she's a funny one. Don't rouse her. Voilà, après des débuts un petit peu mouvementés, merci de nous en excuser, de nous en pardonner. On a repris le fil de l'émission avec donc cette fois-ci à l'instant Steve Thorne, T-H-O-R-N-E, Island of the Imbeciles, l'île des imbéciles, Island of the Imbeciles, c'est British, ça date de 2016, et avant, ce qui ressemblait un petit peu à Pink Floyd avec ce piano préparé, tempéré, des Britanniques également, ça date de 2016 également, des Britanniques qui s'intitulent, qui se nomment Kiama, K-I-A-M-A, un album, lui, intitulé Sign of Four, signe des 4, 4 avec un chiffre romain. Donc voilà, pour ce que vous avez pu entendre jusqu'à maintenant, on continue encore chez nos amis grands bretons avec le Red Bazaar, le bazar rouge, ça n'a rien à voir avec le grand bazar lyonnais, un album intitulé Tales from the Bookcase, Tales from the Bookcase, Red Bazaar. You're listening to Progapa, the progressive program in Lyon. Heavy soul. Commence notre récit, tout n'est que paix et silence dans le courageux petit village gaulois. Donker Sol 100.7. Sol 100.7, 22h et des poussières, c'est Progapar, l'émission du rock progressif, une émission mensuelle. Banco, Opeth, M Opus, Silver Hunter, Shambo. Shamble Matt, Tony Patterson, Kiama, Steve Thorne, pardon, Red Bazaar. Et là, on a enchaîné avec des vieux de la vieille sur le retour et ça fait plaisir de les entendre à nouveau. Les Britanniques de Spooky Tooth, La Dent qui Fume, avec un double album, moitié CD, moitié DVD, intitulé Nomad Poets. On termine avec un groupe cette fois-ci suisse qui produit un album qui va tout juste sortir. Il sort tout juste de la fabrique à galettes. Je veux parler de Sisyphos. Sisyphos, un album qui m'a bien accroché, qui s'intitule Against the Grain. Sisyphos, tout de suite. should hold the fame. You took all the thoughts, creating your own. So snugly, the comfortable moments of Molotov's phrases, repeated over and over. De Sisyphos, ils viennent, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, de l'Helvétie, c'est des Suisses, Against the Grain. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est la semaine de l'ascension. Votre humble serviteur descend dans le midi pour l'ascension. Haha, gag, jeu de mots. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est la semaine du Prog Sud. Et oui, Prog Sud, le festival de prog français à ne pas rater. 3 jours, jeudi, vendredi, samedi, au Pen Mirabeau. C'est au nord de Marseille, situé idéalement entre Aix-en-Provence et Marseille. Et donc, j'ai noté 2 jours à ne pas rater sur les trois, vous pouvez y aller avec plaisir. En tout cas, le vendredi, ne pas rater la venue de Lazuli qui viendra présenter leur nouvel opus. Et le samedi, grand moment pour les amateurs de prog italien dont je suis, avec le concert d'Osana. Alors là, c'est à ne pas rater. Grand groupe au même titre que PFM et Banco que vous avez pu entendre tout à l'heure. Donc jeudi, vendredi, samedi, qui vient? Foncez tous au Prog Sud, c'est pas si loin. Ambiance sympathique, musicale garantie. Votre humble serviteur sera là avec sa boutique et Acid Dragon, puisque vous savez que Prog à part, c'est l'émission sonore, à la version sonore du fanzine Acid Dragon. On termine en beauté, on se retrouvera pour votre information au cas où j'oublierai le 6 juin, on débarquera le 6 juin à la même plage horaire, gag. Eh bien donc on se retrouvera le 6 juin et d'ici là, on va vous passer un petit document que j'ai rapporté de York. Un petit document d'un groupe absolument inconnu par ici, des archives de la BBC de 70-71, ça devrait faire écho chez vous. Oui, je pense que vous avez deviné, Pink Floyd, voilà un document rare et superbe. Echoes, tout de suite, enregistré en 71 pendant un concert de la BBC, et c'est tout de suite pour vous sur Prog à part. Echoes. Best I can. No one calls us to move on, and no Une superbe version d'Echoes, un peu plus péchue, qui rappelle Dixit Michel, la version de Pink Floyd à Pompéi. Voilà, c'était en exclu ce petit document. Moi, je vous donne rendez-vous... Je disais oui, je vous donne donc rendez-vous le 6 juin, ce sera lundi, de 20h30 à 22h30, comme d'habitude. D'ici là, l'émission sera en podcast, certainement demain ou après-demain. Rendez-vous également pour ceux qui habitent pas très loin, donc au Festival Prog Sud, jeudi, vendredi et samedi qui vient, avec notamment Lazuli vendredi et Hosanna le samedi. Voilà pour les rendez-vous. Et puis d'ici là, suivant la formule consacrée, tenez Tati.